Amis humains, bonjour. Envoyez vos vaisseaux sur les mers inexplorées, Nietzsche. Comme bon nombre de mes camerluches, je vais emporter avec moi dans mes expéditions d'été le Ford du Constellation, trajectoire révolutionnaire du jeune 21e siècle du collectif Mauvaise Troupe, l'éclat, au sommaire pas piqué des hameçons, de sur la route avec l'autonomie italienne à l'apparition des hackerspaces en France. À l'éruption des fêtes sauvages et au pays de Gizeh fronté sur les sérieux sabotages nous conviant à nous organiser en groupe et en bande pour déserter, arracher des lieux et saboter l'économie. Affourez aussi dans votre gibecière de randonnée, fût-ce au détriment de vos sacs de rechange, trois brûlots, petit éloge de l'anarchisme, luxe, de James C. Scott, l'auteur du Vital Zomia, Seuil. Qui justifie d'une manière originale et contagieuse bien des formes d'insubordination infrapolitique négligées par les nouvelles extrêmes gauches, le ralentissement délibéré, le braconnage, le chapardage, la dissimulation, le sabotage, la désertion, l'absentéisme, l'occupation illégale. Et le vénérable professeur de l'université Yale de balancer avec superbe qu'en 1999 le vaste mouvement anti-mondialisation serait pratiquement passé inaperçu sans les saccages des Black Blocs. Également édité au Québec, Murray Bookchin et l'écologie sociale de Vincent Gerbert, Éco-Société, une biographie intellectuelle, comme on dit aujourd'hui. D'un des premiers chantres de la démocratie vraiment directe à avoir envisagé l'écologie comme levier d'opposition au capitalisme. Son modèle d'organisation sociale depuis les années 1950-60, le municipalisme libertaire, que ça sonne mal, ventre de bœuf. Soit une confédération moléculaire de communes libres décentralisées et politiquement autonomes. Au Parlement, à qui en arrivait le clou, se substituent dorénavant des assemblées populaires pourvues de tous les pouvoirs de décision. Le système ne tombera que lorsque ces institutions auront à ce point été vidées de leur contenu que l'insurrection n'aura plus qu'un rôle symbolique à jouer. Un coup d'état nietzschéen, l'insomniaque, certainement l'un des meilleurs textes d'Hakim, raconte une délicieuse utopie vécue, pas du tout connue, datant de novembre 1918. Ça se passe dans la bourgade roumaine de Cumanza, sur les côtes de la mer Noire. Georgiu Mavrocordato, l'ospodar, un héréditaire excentrique des lieux, et ses amis très barrés du club skit envoient tout d'un coup dingué par les armes la petite garnison allemande qui occupe la ville et déclare la révolution ouverte. Allô ? Tu veux jouer avec moi ? C'est ainsi que le Sandjak, division territoriale de l'Empire ottoman de Cumanza, devient une mini-république des conseils dionysiaques chargée d'orchestrer et non de diriger un réseau horizontal de solidarité contractuelle. Que sa constitution est tout entière un florilège de citations de Nietzsche, je vous le dis, on doit encore avoir du chaos en soi pour pouvoir mettre au monde une étoile dansante. Que toutes les terres du coin sont redistribuées, les proprios absents sont expropriés, les autres doivent partager leurs hectares avec les paysans, que la censure est abolie, que chacun vit désormais dans une certaine abondance matérielle grâce à la légalisation de la contrebande et grâce au barbotage d'un trésor antique. Et puis c'est ainsi que, comme durant le soulèvement extravagant de Fiume à la même époque, un véritable culte collectif est rendu à la Zizik. Nietzsche toujours. Sans la musique, la vie serait une erreur. Article de C, Q, F, D. Ce qu'il faut détruire. Vous êtes bien sur Radio Parasite. À bientôt. Et grosse bise numérique.